saluons tous au nom de Jésus-Christ. Tuko nemsalimia ninyi wote mu jina la Yesu Kristo. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tushimame njoo usome maneno. Prenons Luc au chapitre 8. Luca Munani. C'est comme je l'avais annoncé. Paka vile nilitangaza. Disant que s'il y avait des questions qui concernent l'enseignement que nous avons suivi pendant ces longs moments. Ya kwamba kama kuko maulizo yenye kuhusu mafundisho tunafuata wakati mrefu. Des choses qui touchent à notre salut. Bienye bikuna gusa kuokovu yetu. Aux expériences que nous avons fait avec le Seigneur. Ku maonjo ile tufanya pamoja na Bwana. Pour qu'on soit éclairé sur un point qu'on n'a pas bien compris. Kusudi tupate kuangaziwa pa nukta moja ila tukuelewe mzuri. J'avais demandé d'amener ces questions-là. Mimi lomba mupate kuleta ile maulizo. Et comme il ne me reste que deux jours à la chair. Na savile mashutu mbigi nimbakilia kumimbari. Je vais répondre à ces questions. Mitajibu kuile maulizo. Pour qu'on termine en douceur dimanche. Kusudi shikwayenga tupate kumaliza katika upole. Seigneur, nous te disons grand merci. Bwana tunasema asante mkubwa. Nous sommes le fruit de l'œuvre du calvaire. Sie ni matunda ya kazi ya Calvario. Ton amour et ta bonté. Mapendo yako na wema wako. Ta miséricorde envers nous. Rema yako kwetu. A fait de nous les enfants dans ton royaume. Ilitufanya tunakuwa watoto mkifalme yako. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui ne t'ont pas connu. Sie hatuna bazuri zaidi kushindia bale ba kujue. Mais c'est toi qui es venu vers nous. Lakini ni wewe ulikuwa kwetu. Tu as ouvert notre intelligence. Unafungula akili yetu. Nous avons compris que c'est toi qui nous appelais. Na tulielewa kwamba ujo ulituita. À la rédemption. Ukombozi. Nous avons dit oui. Tu sema ndio. Et toi tu nous as aussi aimé. Na wewe ulitupenda. Merci au Père. Asante au Baba. Descends pour éclairer nos cœurs. Shuka upate kuangazia mioyo yetu. Tu as dit quand le Saint-Esprit viendra. Ulisema mwakati huo mtakatifu takuja kwenu. Il te conduira dans toute la vérité. Itemiongoza katika ukweli yote. Nous te dédions ce culte en tratement. Tunakuatia imkusaniko mikono yako. Que tous les malades soient guéris. Wagonjwa wote watunzwe. Que tous ceux qui ont des problèmes trouvent solution. Wale wote wana mamambo wapate jibu. Que ceux qui sont troublés. Benye kwa wenye kuvurukwa. Trouvent la paix. Wapate salama. Béni chacun de nous selon. Bariki kila mmoja wetu kufuatana na nia yake. Au nom de Jésus-Christ. Jina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Luc chapitre 10, chapitre 8. Luka munane. Verset 9 et 10. Musaki ya 9 na ya 10. Quand vous prenez la dernière phrase du chapitre du verset 8. Mustari yake ya 8 kama unavyo mustari yake ya mwisho. Après avoir parlé ainsi. Kisha ye kusema hivi. Jésus dit à haute voix. Yesu akasema na sauti mkubwa. Que celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entende. Mwenye kuwa na masikio ya kushikia ashikie. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Bamitume yake bakamuliza maana ya ifumbo. Il répondit. Akajibu. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Ilimipewa mweye mupate kuyua masiri ya ufalme wa Mungu. Vous les élus. Mweye bateule. Vous mes disciples. Mweye bamitume yangu. Il vous a été donné. Ilimipewa. De connaître. Mupate kuelewa kujua. De comprendre. Kuelewa. De croire. Kuamini. Au mystère du, au mystère ma siri du royaume de Dieu ya ufalme wa Mungu. Mais pour les autres lakini kwa bengine cela leur est dit en parabole nune bambia yo mufumbo afin qu'en voyant ils ne voient point kusudi mukona bashione kintu et qu'en entendant ils ne comprennent point na mukushikia bashelewe kintu. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana aongeze baraka kusomea neno lake. Vous voyez ici il y a un problème de la prédestination. Mbona hapa pe kumamba kutangulia kutayarishwa. Nous avons déjà expliqué longuement ce que signifie la prédestination. Tumeva wakati mrefu njoo kufasiria maana ya kutangulia kutayarishwa. Nous avons ici le parlé de l'élection. Hapa pe nasemea uchakuzi. Et nous avons parlé longuement sur l'élection. Na tulisemea wakati mrefu yule ya kuchakuliwa. Nous avions parlé longuement sur la présence de Dieu. Tulisemezea yule ya kutangulia kufahamu kwa Mungu. Donc quand nous écoutons la réponse du Seigneur, sema wakati tukunashikia jibu ya Bwana. Il est clair. Iko wazi. Il dit anasema vous mes disciples. Mweye ba mitume yangu. Vous, mes élus, moi, bateule yangu, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Il mipewa juu ya kuelewa masiri ya ufalme wa Mungu. Donc nous comprenons par ici. Kusema kupitia hii tunaelewa. Des hommes et des femmes. Ya kwamba kuko banaume na banamke. N'ont pas été prédestinés à comprendre le mystère du royaume. Bale balitangulia kutayarishwa kushinda kuelewa masiri ya ufalme wa Mungu. On peut prêcher et enseigner. Banaweza kuwahubiri na kuwafundisha. Vile unapenda même dans les termes les plus bas hata mwamisemo ya chini kabisa et le plus clair possible na ya wazi zaidi. Si un homme ou une femme n'a pas été prédestiné à la vie, kama mwanaume wana mwanamke ashikutangulia kutayarishwa kuvujima, il ne comprendra rien hata elewaka kintu. Et Frère Branham, je vous avais déjà lu cette citation. Frère Branham dit, il y a des gens, et on a sema, peu importe ce qu'ils feront, ils ne seront jamais sauvés. Ce n'est pas Dieu qui refuse de les sauver. C'est même par leur volonté. Ils ne veulent pas être sauvés. Donc vous et moi, mon ami, Dieu nous a donné cette occasion Mungu atupatia ile bahati à de comprendre davantage ya kuelewa le royaume zaidi zaidi et le mystère du royaume ufalme na masiri ya mufalme. Si pendant plus de 7 mois kama miezi kadiri saba en parlant en détail sur la voie du salut tukunasemezea kitu kwa kitu yule entretant les choses qui sont attachées au salut mukusungumuzia bitu bibi nambatana na ukovu entretant les choses qui peuvent aider chacun de nous à expérimenter le salut yule bitu bile bitasaidia kila moja wetu aonje ukovu. Si vous avez encore de la confusion kama kufika na hapa au yaelewa na mvuruko ingariki ndani ya kichwa yako, il y a quelque chose de faux avec ton cœur. Ndani ya moyo wako mukitumwa yake kibaya. Si ya d'ombre dans ta foi. Kama mungaiki paka magiza imani yako. Ni kwa kusula kwako. Pendant qu'on parle de ces choses importantes. Baraanza kusemea bitu ya mafaka bita. Tu t'occuper de ta chair. Wewe ulianza kuhangaikia mwili yako. Tu t'occuper de tes enfants. Ulianza kuhangaikia makazi yako. Tu étais tout le temps voyage. Kila wakati msafari. J'étais tout le temps dans tes activités. Ulikuwa mu mabiashara yako. Ulikuwa mkutafuta fedha. Kutafuta stare et ces soucis de la vie na imangaiko maisha t'empêcher d'être permanent dans l'église. Ilianza kuzuiza kwa kila shukanisa pour recevoir la parole de vie neno wa bujima. C'est comme ça que les choses ont été vues par le Seigneur. Bile Mungu na yarionaka bitu jo vile Mungu alibionaka sema utafanya paka bile uliwanga. C'est comme ça que Dieu avait vu aussi. Namna ya leo unakuwa unashikia aujourd'hui tu viens écouter, demain tu t'absentes, après demain tu dans ton cœur là tu ne trouves pas wako, akone faida kui bintu. Et c'est pourquoi vous resterez toujours enfermé dans votre ignorance. Na njoo kwa maana utabakia mwenye kufunga mkutokujua kwako. C'est pourquoi dans le même chapitre au verset 18. Jésus, après avoir longuement parlé de cette parabole qui traite l'entrée dans le royaume de Dieu, qui traite du salut et de la vie de sauver. Après avoir dit tout cela, il dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Anasema, mukebe ange basi, munama yenu ya kushikia. Car on donnera à celui qui en a, à celui qui a, kwani batapachia ule konabio. Mais à celui qui n'en a pas, lakini kwa ule ana na kitu, on notera même ce qu'il croit avoir. Bata mnyanganya ata tule tonyeko na zania kuwa na ato. Voyez. Munaona. Donc, ça dépend de la manière dont tu as écouté. Sema unangara tu ni munamna ile orifata imafundisho. Ça dépend de vos dispositions. Inangara tu ni ali yako. Avec lesquels tu venais écouter la parole de Dieu. Ile ulianza kuya nayo kushikia mafundisho. Nous avons fait notre part. Sie tunafanya kazi yetu. Selon la responsabilité. Kufuatana na madaraka mabujito. Que Dieu nous a donné. Ile Mungu aliweka yulu yetu. Et selon le ministère. Kufuatana na huduma. Que Dieu nous a donné. Ile Mungu alitupatia. Pour perfectionner l'église. Juu ya kukamilisha des kanisa. Choses ont été accomplies dans cette église. Mui kanisa bitubiri bitimirika. La charge pastorale a été accomplie. Buzito ya mchungaji litimilika. Et la charge du ministère a été encore na, accomplie. Buzito ya huduma nayo itimilika. Et nous pouvons aussi dire comme Paul, naweza kusema na mimi sawa Paulo, nous sommes purs du sang de chacun de vous. Ya kusema tunanawa damu ya kila moja wetu. Celui qui devait être sauvé, ula penda kukolewa, il sera sauvé. Ataokolewa. Celui qui devait recevoir le Saint-Esprit, ula pasha kupokea Roho Mtakatifu, il recevra. Ataipokea. Mais celui qui n'était pas destiné à la chose, lakini ula shikutangwe kutayarishwa juu ya kukolewa, il ne comprendra rien. Ataelewa kitu. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Première question. Ulizo ya kwanza. Si une personne se fait baptiser dans ce message du temps de la fin. Kama mtu anabatiziwa mwe ujumbe ya wakati ya mwisho. Mais il ne marche pas selon la parole. Lakini ashitembe kufuatana na neno. Après avoir entendu le message de la repentance, kisha kushikia ujumbe juu ya toba, et qu'il s'est fait rebaptiser, na anaenda tena bambatize mara ya pili. Question A. Ulizo sasa ya kwanza. Il a bien fait? Eti, anafanya mzuri? Question B. Ulizo ya pili. Est-ce qu'il devrait aller d'abord auprès de sa femme pour se repentir et se faire rebaptiser? Et il y a kwenda mbele kwa bibi yake kulumba buluma njo ahudie tena abambatize mara pili. Cette personne avait adhéré au message du temps de la fin. Umutu ye alijiunga tu. Selon ce que le frère écrit ici. Kufuatana vile nduku anaandika. Premièrement, il avait adhéré kwanza alijiunga au message du temps de la fin. Ku ujumbe ya wakati ya mwisho. Et il s'était engagé par la voie du baptême. Na anichikia kubatiziwa. Mais après avoir adhéré, lakini kisha yeye kujiunga wala kujiingiza tu mujumbe. Après avoir été baptisé, kisha yeye kupeleka kwa maji ya batizo, il était toujours un païen ou elle était toujours une païenne. Kam ni nduku wala dada alikuwa paka mupagano. Sa vie n'avait jamais changé, il continuait à avancer dans son incrédulité. Alianza kuendelea mukutokuamini maisha yake kwa ya batizo. Et dans sa vie du péché, na alianza kuendelea mu maisha yake ya dhambi. Mais tout en étant dans l'église où on prêche le message. Lakini mwenye kwa mukanisa mule beko na ubiri ujumbe. C'est-à-dire, il n'était pas sauvé. Mais après un temps, lakini kisha wakati, après avoir entendu le message de la repentance, ujumbe ya toba, il s'est fait rebaptiser. Anenda tena bambatiza. A-t-il bien fait? Eti anafanya mzuri? Je réponds à cette question. Mitajibu sasa. Kuulizo. Il a bien fait. Anatenda mzuri. Si il a fait une bonne expérience du salut avec Dieu après avoir entendu ce message, la repentance. Kama alifanya onjo mzuri na Bwana kisha yeye kushikia ujumbe yule wa toba, anafanya mzuri. Et si il avait réellement cru à l'œuvre du calvaire. Na kama aliamini hakika ukazi ya Kalvayo. Sinon, kama ina vile, c'est-à-dire kusema, si il n'a pas eu une expérience véritable du salut, kama sipate onjo ya mzuri ya bia kweli ya ukovu, même après avoir écoutez le message de la repentance. Atakisha kushikia ujumbe ule wa toba. En se faisant rebaptiser. Mukujipeleka hata kwa maji ubatizo mara pili. Il n'a accompli qu'un acte religieux. Pale anatimiza tu ni tendo mwa kidini tena. Et même son rebaptême ne l'aidera à rien. Hata ile ubatizo wake ya pili haitamsaidia kukitu. Je dis ceci. Mimi nasema hivi. Si ce frère ou cette sœur, kama unduku wala dada, bien qu'il était païen dans l'église où on prêche le message, ata vile alikuwa mupagano mujumbe, mais après avoir entendu le message de la repentance, ma kisha ye kushikia ujumbe yule wa toba, il va se faire rebaptiser encore, anaenda kulomba tena ubatizo wa pili. Est-ce qu'a-t-il bien fait? Eti anafanya mzuri. Il a bien fait. Ule mtu anatenda mzuri. Il a maintenant, kama mwile wakati sasa, si il a maintenant pas sasa, kama hapa sasa, il a fait une expérience véritable du salut, alifanya onjo ya kweli ya wokovu, en croyant à l'œuvre du calvaire, kuamini mkazi ya Calvario. Mais s'il n'a pas encore eu une relation, lakini kama hajapokea ile mapatano personnel avec Dieu, il n'est pas encore sauvé, mais il va encore se faire baptiser. Il n'a fait qu'accomplir un acte religieux. Il est toujours dans les griffes de l'ennemi. Est-ce que c'est clair? Vous voyez. Munaona. Mambo aina ya kubatiziwa mara ya pili ya tatu aina pana. Le problème n'est pas question de se refaire baptiser. Mambo ya mafaa. C'est qui est nécessaire. Ni wakati unashikia neno la injili. C'est lorsque vous écoutez l'évangile. Unatubu vya kweli. Vous repentez sincèrement. Unakuwa na expérience na Mungu. Vous faites l'expérience avec Dieu. Unakuwa mtoto wa Mungu. Tu deviens enfant de Dieu. Kama unabatizwa. Et lorsque tu te fais rebaptiser. C'est à ce moment-là que ta vie changera. Vous voyez. Munaona. Est-ce qu'il devrait aller d'abord auprès de sa femme pour se repentir? Et si fazali ende mbele kwa bibi yake alombe buluma njo arudie bambatize mara pili? Je ne sais pas. Mishijue. Si je cherchais à saisir la pensée du frère. Hapa milianza kutafuta wazo ile nduku alikuwa nayo mi wala dada. Bien que ce frère était dans les lieux où on prêchait le message du temps de la fin. Kwa kuona ulizo wa nduku hata vile anza kushikia ujumbe. Comme il était païen. Tabla kwa mpagano. Il courait avec les femmes. Alianza kuenda kufuata wanawake wengine. C'est ce que j'ai lu dans sa question. Mukusoma katikati ya mistari ndio linaelewa. Sa femme a fait ici. Sababu bibi yake ana na mambo hapa. Il avait couché avec d'autres femmes, il a été infidèle. Nduku acha kulandaka bibi yake na wanawake wengine. C'est pourquoi le frère ici pose la question de savoir. Niko maana nduku anauliza. Avant d'aller se faire baptiser. Bila kwenda kumwa baptizo mara pili. D'abord arranger le problème avec sa femme. Et il fallait kwenda kutengeneza mbele na bibi. Et aller se faire rebaptiser. Nenda tena ubatizo. C'est comme ça que je comprends la chose. Jo munamna ile mimi naelewa. Vous voyez. Naona. À cette préoccupation, nous disons ceci. Oui, angaiko, tunajibu hivi. Je donne un exemple clair et simple. Naleta mufano moya wazi. Un frère qui continue à vivre dans le désordre. Nduku moya akwendelea kuishi maisha ya fujo. Un dimanche ou un jeudi comme ça. Dimanche ou la jeudi paka hivi tuko. Le Saint-Esprit saisit le prédicateur. Roho Mtakatifu inashika mhubiri. Et la parole de l'évangile est apportée. Na neno ya injili inahubiriwa. Et le Saint-Esprit a parlé sur la repentance. Na Roho Mtakatifu nasemea yule ya kutubu kutoba. Et cet homme est saisi par le Saint-Esprit. Na umuntu naye anashikwa na Roho Mtakatifu. Et il veut se faire baptiser. Na anapenda bambatize mara ingine. Voilà comment il doit agir. Tazameni namna ule mtu apasi. Si réellement le Saint-Esprit a touché son cœur. Kama bia kweli tu ni Roho Mtakatifu gusa moyo. Et qu'il a eu une expérience avec le Seigneur. Na anafanya il est condamné dans son cœur. Na anakumiwa ndani ya moyo wake. La première chose qu'il fait. Kitu ya kwanza kile atafanya. Il doit se repentir sincèrement à Dieu. Anapasi kwanza kutubu mbele na moyo yote mbele ya Mungu. De toutes ses infidélités. Kwa hii masharati yote kosa uaminifu kote. Qu'il avait commis. Alitendaka. Et il peut aller à l'eau de baptême. Na anaweza kwenda kwa maji ya ubatizo. Quand il quitte l'eau de baptême. Kutoka sasa kwa maji ya ubatizo. Il va maintenant chez lui à la maison. Atenda sasa kwake kunyumba. Arranger ses adultères avec ses infidélités avec sa femme. Tengeneza busharati bwake na kukosa bwaminifu bwake kunyuma. Et le faire correctement. Na kutengeneza mzuri. Et clairement. Wazi misemo ya wazi. L'enseigne la Bible. Baka vile Biblia inafundisha. Il doit dénoncer. Anapasha kutaya. Tout ce qu'il a fait. Biote bila sa kufanyaka. Il prend sa femme. Anabeba bibi yake. Il se repent. Anatubu. Il prend sa femme. Anabeba bibi yake. Il va vers toutes les femmes avec lesquelles il a couché. Anenda kubanamke si bote il vivait avec une femme quelque part dans le noir. Kama anaanza kuishi mwanamke moya msharati. Il va avec sa femme. Anaenda na bibi yake. Pour dire à Catherine, j'amwambia kama ni Katerina, voici ma femme. Njo bibi yangu. C'est ma femme légale. Unjo bibi yangu mirioa. Je lui étais infidèle. Miri mulanda mikosa waminifu kwake. Et je viens. Na mimi nakuya. Pour arrêter nos relations avec toi. Njo kwambia sema wewe na mie kunaisha. Parce que je ne saurais pas avancer avec toi. Mishitaweza kuendelea na wewe. J'étais faux dans mon cœur. Moi wangu nilikuwa bongo. Et toutes les paroles et toutes les promesses que je t'avais faites, c'était que des mensonges. Na ile biote ni kulakaka ilikuwa ya bongo tu. Vous vous repentez devant, vous allez confesser cela avec ta femme à côté. Unakiri na bibi yako pale. Si cette femme là est mariée, kama ule mwanamke eko mundoa na yeye. Ah, vous confessez. Unakiri. Mais si cette femme-là est chrétienne, si elle va confesser chez son mari, elle va aller chez son mari confesser. Ule mwanamke anaka ni mkristo na atenda sasa kutubu kwa bwana yake. Toi tu vas confesser chez ton mari. Au tenda kumwambia bwana yake. Toi tu confesses chez ta femme. Wewe unakiri kwa bibi yako. Na wewe bibi yako, la femme avec qui tu couchais. Tu akwenda kuona mwanamke ule ndugu wazala naye, njoo kutengeneza ile kukosa waaminifu wako. Ibi ba frère banafwanyaka mbukulukulu mbujanja. Apa malise que les frères font. Oh chérie. Uni pardonne. Nurmi eko pardonne. Nesa kuanguka. J'étais tombé. Bila ni vya bongo. C'est faux. Ce n'est pas la repentance biblique. Il a un akutubu. Ata unasema unaona ule mwanamke. Même si tu dis regarde la femme là. Nani ni bibi wa Kashimoko. C'est la femme de Kashimoko. Je ne sais pas comment avec qui j'ai couché, c'est faux. Unaona ule mwanamke Katerine ule. Yule ni kwa mke natembea naye. Ni kwa kije sorti. Vile biote Dieu n'en prend pas. Ne prend pas cela avec des considérations. Mungu ashibivake na bei. Non bien aimé frère. Pana ndukumpendo. Ça, c'est une fausse repentance. Il est ni kutubu biabongo. La repentance, c'est après avoir confessé ta femme, tu prends ta femme, vous allez auprès de ta concubine, allez confesser et réparer et la chose s'arrête pas là. Si toi aussi tu es une femme, couché avec un mari d'autre ou un autre homme, tu prendras ton mari, inde, pour aller réparer. Si ton mari veut te chasser, il peut te répudier. Que ton âme. Si tu refuses de te repentir, tu iras en enfer. Si la femme veut te refuser parce que tu es adultère, qu'elle te refuse. Il n'y a pas un problème qui soit en ordre avec Dieu. L'essentiel ou comme Moussawa avec Namungu. Voilà comment il faut que se comporter. Jo nana ya kujongoza. Un homme qui a pratiqué deuxième question. Ulizoapi. Un homme qui a pratiqué l'homosexualité. Mutu mwanaume ule anza kulala na mgenda moya na banaume. Après un moment, kisha wakati mwa fulani, il laisse de pratiquer. Anaacha kufanya ile matendo. Et qu'il se marie à une femme. Na anaoa sasa bibi. Après qu'il s'est fait baptiser dans une église du message. Kisha banambatiza mkanisa mwa ujumbe. Il doit recourir à sa femme pour se repentir. Eti, anaezi kwenda tena kwa bibi yake juu ya kutubu. Ou la seule repentance qu'il avait faite avant d'être baptisé est la bonne. Wala mbele ya kubatiziwa tu ile toba kilombaka iko mzuri. Donc un monsieur. Sema mwanaume moya. Qui pratiquait l'homosexualité. Ule arikuya eko na lala na banaume. Et pendant qu'il était dans le monde là, mwakati arikuya mudunia anaacha ile mambo. Il ne pratique pas cela. Na ashendilea kita ile maisha. Il prend maintenant la décision de se marier. Anachukua mpango ya kuoa sasa kwa bibi. Il se marie à une femme. Na anaoa mwanamke. Et après certain temps. Na kisha wakati mwa fulani. Il croit. Anaamini. Voyez. Naona. Et il se fait baptiser. Na anabatiziwa. Maintenant le frère veut savoir. Sasa nduku anapenda ajue. Doit-il revoir sa femme pour se repentir de ses homosexualités? Et si anaweza kuona bibi yake njoo alombe buluma kubile vitu bari fanyaka mbele. Ou c'est suffisant ce qu'il avait fait avant d'aller dans l'eau le de baptême. Voilà, il est tôt bari fanyaka mbele akwenda maya batizo inaenea. La réponse est celle-ci. Jibu ni hii. Quand il était homosexuel, wakati alianza kufanya ile mambo, sa femme n'était pas là. Bibi yake ashikwa kipo. Il n'avait aucune alliance avec sa femme. Ashikwa kina agano hata mwa na bibi. Il n'avait pas de vie avec sa femme. Ashikwa kashafanya agano. Ce sont des choses qu'il a fait dans l'ignorance. Bibi tu bila rifanya mukosa kujua. Voyez. C'est dans l'ignorance qu'il pratiquait l'homosexualité. Ni mukosa kujua njo alikuya. Maintenant, sa femme l'a trouvé déjà sauvé et fils de Dieu. Bibi yake anamkuta ashakuwa mini na ashakuwa mtoto wa Mungu. Il ne doit pas aller suyer sa femme avec ses bêtises. Awezi kwenda kuchafusha bibi yako na ile mabuchafu ile. Ce n'est pas édifiant. Ile habita mujenga. D'ailleurs, quelqu'un qui a vécu une vie comme ça, mtu akuwa na maisha ya vile, il a la répugnance. Anaikalaka anaishikia bunya. La honte. Anaishikia ka aya ile maisha. Ce sont pas des choses qu'il faut raconter pour suyer les gens. Aina bitu bya kusema njo kuchafusha batu. Si le frère Kamanduku avait à s'était repenti sincèrement. Alitubwa kamule wakati na moyo wake yote. Et qu'il est déjà sauvé, fils de Dieu. Anaisha kukolewa sur mtoto wa Mungu. Et sa femme le trouve dans cet état de fils de Dieu. Na bibi yake anamkuta mwile hali ya mtoto wa Mungu. Qu'il n'aille pas la suyer. Ushende kumchafusha dada. Il en est de même des sœurs. Iko vile vile na ba dada na moya. Il y a des sœurs qui sont passées par la voie de la prostitution. Kuba dada la pita mbundumba. C'était leur vie. Joko maisha yabo. Et après 16 ans, vous croyez. Vous êtes sauvé, vous êtes devenu chrétien. Maintenant, tu mènes maintenant une vie chrétienne. Un frère t'apprécie. Et un frère t'est choisi parmi plusieurs. Quand vous mettez votre vie en ordre, dites seulement au frère que tu n'es plus pur. Tu n'es plus vierge. Dans l'ignorance, tu avais été défloré. Tu te limites à cela. C'est des femmes insensées. Tu commences à raconter maintenant. J'ai couché avec 50 hommes. Naanza kumwambia bwana akasema misha kulalaka na wanaume 15. Et je regrette beaucoup. Na biku na nyuma kuwo. Je suis allé me coucher avec un chien. Mimi nifikaka na mkulala na imbo. Tu es insensé. Bita muyenga munini. Ça va les défiants. Bila bintu pale ulikuwa ndumba kwa kwa nini ulikiri bile bintu. Tu t'étais confessé à ça. Tu ne pouvais pas être sauvé. Si Dieu ne t'avait pas pardonné ces bêtises-là, aucun homme, aucune femme, ne peut être fils de Dieu, ne peut être sauvé, si Dieu n'a pas pardonné ses anciens péchés. Il n'a pas pardonné ses anciens péchés. Ça vient faire quoi là-bas? Job wana na yeye mwenyewe ni mpagano alikuwa mpaya itabuvi c'est pas à cause des formes ou na mama mimi mpomona tout ça jusqu'à dire même les nombres des avortements que tu as j'ai déjà fait 5 avortements et lui là il fait les doulas et dit d'avoir ses pécons le premier contexte on avait fait avortement, deuxième contexte j'avais fait encore comment et troisième contexte et les hommes ils sont en vie ou ils sont parce que ça doit être sincère comme ça doit, qu'on fait tu dois, parce que c'est maintenant on nous a dit qu'il faut être sincère et bien plus wazi mwenye kunyoloka kama unatubu. Tu es tellement insensé. Dans les deux cas, il est maman bombi. Où il est là, là, là-bas, il m'a fait un couché avec les hommes. Si vous êtes déjà sauvé, c'est-à-dire avant votre baptême, vous êtes repenti quand tu avais entendu et Dieu t'avait pardonné. Ile mazambi yako yote aliyumiaka na kama Mungu anakuhurumia anakuhesabia ana mazambi yako alitupa mbali akusabwa kufufula Bwana ichefale tetere c'est que Dieu a déjà pardonné. Na we kama uko na huwa bibi et toi aussi quand tu veux t'engager avec soeur, bouille, état on a mukuta. Tu épouses la femme dans l'état où tu la trouves. Parce que le salut l'a trouvé comme étant prostitué. En tant qu'une femme déjà déshonorée. En cherchant de longues choses. Donc tu veux être juste à l'excès comme la Bible dit. Tu vas encore te suivre davantage. Kujishafusha tena zaidi. Na homme correct. Na mtu tu akunyoloka mwanaume. Kala femme dit pardonne-moi. Wakati bibi yake anamwambia sema basha kunigusaka kwa wanaume. Mtu tu akunyoloka atasema akumia. Achezi kwenda kufatafata na tume kwetu kufanyaka muishi. Mko bintu kama anakurakonte. Na la vie des hommes il y a des histoires kama anakuambia tu peux même te pendre. Ala bantu bote mko naona. Tous ces hommes que vous voyez. Ma secret kama anakuambia. Des antécédents qui ont été dit tu peux même te pendre. Et ce matin je lisais Fodanamdi. Il y a certaines choses dans la vie des hommes qui doivent rester dans le secret et qui ne peuvent pas être amenées sur le public. Merci. Je n'ai pas tout le monde a compris. Hein? Vous avez compris. Est-ce que Mounashiki? Avez-vous compris? Fana, naenda kudresser liste ya babwana ulitembeaka nayo. Naenda kupanga mustari ya babwana. Bwana anadresse. Et l'homme aussi dresse la liste des femmes. Mungu tu ba kishetani mungu. Sababu vous édifiez en quoi autre part. Nitemijenga mudili. Wala nitachenga ndoa yenu. Sabi mukingari mudunia muna wa malaika. Vous êtes encore charnel. Vous êtes encore dans ce monde. Vous n'êtes pas des âmes. Un petit dispute comme ça. Il y a une condamnation dans ton cœur. Lakini ndani ya moyo wako unashikia pa hukumu mwa fulani. Cette chose là, yule a kitu kile, il faut la réparer. Nafai kutengeneza. Sinon tu n'iras nulle part. Kama ina vile hautaendelea muimani. Mbona hii pensée ya pili miko naleta? Deuxième pensée que je vais donner. Aina ya kwanza nianza kuexpliquer. Ce n'est pas la première que j'expliquais. Ni mtu anaamini, c'est quelqu'un qui croit. Mais anakotola. Mais il a fauté. Vous voyez? Mounaon. Maintenant, Moussafari a imani. Mais dans la marche de la foi. Chaque fois qu'on a tembea et qu'on a omba Mungu. Quand il essaie d'avancer, il prie Dieu. Il ne retourne toujours pas. Il est membre de Fanyaka. Vos sacatifs lui retournent à ce qu'il avait fait. Wendo ke itengeneze. Va arranger. C'est clair, hein? Biko wazi pan. Si tu sens maintenant que tu n'avais pas bien marché à cause de ça, comme on a chiqué à ce moment, à outembe, mouzouri, est-ce que vous voulez à tout prix être rebaptisé? Non, on a peine de la rebaptiser, c'est un manapi. Mais on va vous rebaptiser. Allez, vous dire, tu vas rebaptiser à Téna. Il n'y a pas un problème. À quoi on a même. C'est ce que Frère Banam me conseille. Je l'ai dit, Banam et Nachauria. Dans question-réponse numéro 3, dans question-réponse, Oulizo Namajib, du 3 janvier, 1954 matin. 1954 à Soubouy. Paragraphe 36. À 38. Je ne peux pas lire ça. Mais la pensée, c'est ce que je vous ai déjà donné. Wazo, je l'ai n'empathia. Kama ulifanya kitu kile ambao roho yako iko na kukumu. Si, tu as fait quelque chose mais ton cœur te condamne toujours. Ah, unaenda kuomba roho iko bwana kukumu mambo. Tu as toujours des condamnations sur ça. Tu suis pointe toujours là. On t'a fait une gousse à part à parler. Et cela ne vous met plus à l'air. Ah, il est à Imiwe qui était na salama. Il faut que tu t'engages. Faut aller réparer. Il faut que tu t'engages. Et après avoir réparé. Si vous êtes poussé. Kama roho ta na gousse à tena. Tu wende kubatete malapi, tu peux y aller. Il n'y a pas un problème. Akuna mambo. Que doit faire un homme? Mutu anaweza kufanya nini? Qui a quitté notre église pour aller fraterniser avec d'autres tabernacles? Ula itoka mkanisa yetu na anaenda kushiriki maskani ingine, matabernacle ingine? Et qui après? Na kisha wakati? Il veut revenir dans notre communion. Anapenda kurudia mushirika yetu. Que doit faire un homme? Mutu anezufanya nini? Qui a quitté notre église? Kama alitoka mkanisa yetu. Est allé fraterniser avec d'autres tabernacles. Na anenda mumaskani ingine. Et qui après? Na kisha wakati moya. Il veut revenir dans notre communion. Ataka kurudia tena mui ushirika yetu. Quelqu'un comme ça. Ule mutu avile. Ça dépend. Ah, iko naangalia na hali. Ya quelqu'un kuko muntu ule anatoka tu mkanisa parce que peut-être il n'avait jamais cru. Sa zingine ashikuamini yake. Il ne comprend pas le message. Ashelewe mzuri ujumbe. Il ne comprend pas ce que nous sommes. Ashelewe kile tuiko. Il nous fréquentait. Alianza tu kwa kukusanika pamoja na sisi. Sasa mato na msobelea. Kati mwa nous nous sommes habitués à lui. Et il s'est fait baptiser pour être dans la communion de l'église. Na anaipeleka mwa baptizo njoo kwa tumshirika kanisa. Parce que pour lui, c'est ça être un chrétien. Sababu kwake yeye Job Christ. Il ne comprend pas beaucoup de choses. Achelewe vitu ya mingi. Il s'en va fraterniser avec d'autres assemblées. Anaenda kwa makutano ingine. Bala anaenda kutembea mule kwa shetani. Et là, il est allé errer là-bas, on dirait un démon. Maintenant, Lorsqu'on prêche maintenant les choses qui nous compliquent, il dit... Au tabernacle de Dieu, là... Même je n'étais pas chrétien, on ne prêchait pas ça. Ça, c'est faux. Il est convaincu qu'il est rentré. Anakwana kikisho afanye biabongo anarudi hapo. Asaba arudi hakuna problem. Peut rentrer, il y a pas de problème. Il y a pas de procès. Hakuna kusamba. Il n'avait pas crime. Qu'est-ce que nous allons faire avec lui? Il vient calmement. Tel qu'il était parti calmement, il va revenir encore calmement. Lorsqu'il sera touché par la parole de Dieu, il va se repentir, il se fait baptiser et il sera sauvé, on ira au ciel. Très simple comme ça. Maintenant, si un homme avait quitté cette église avec des problèmes, là c'est autre chose. Un frère ou une sœur qui est sorti avec des problèmes. Ma frère, ma sœur, les anciens, les diacres, les anciens. Il est allé avec trop de tapage. Anenda na makulala mika. Et même son cas était annoncé à l'église. Na mambo ya kivane tangaza ukumbele akarisa. Ces messieurs là ou cette dame. Ule nduku ule muntu wala wana. S'il veut revenir à l'église. Kama na fia kurudia mkanisa. Il doit venir ici se repentir. Anapasha kupita kumbele kutubu. Pour être intégré. Juu tumuchikete na rudia kusanike pamoja na shi. Tout ce qu'il était en train de raconter là, sur l'église, sur les Akanisa, sur les frères et les sœurs, sur la banduku na badada, sur les conducteurs, sur la bangozi ya Akanisa, il doit les réparer. Il doit les réparer devant l'église. Qui l'a offensé? Ni Kanisa L'église, est-ce que je suis clair? Kanisa, tu quoi? On ne va pas te pousser, il faut que ça soit le Saint-Esprit. Devant l'église, va te repentir à part. Ça, c'est la religion. Il est ni dit ni tas. Ça, tu n'es pas convaincu. Tu viendras à Ona à Kiki, ce que tu as fait n'est pas correct. Maintenant, cela ne va pas t'aider. C'est pourquoi, pensez-vous, un petit conseil que je vais vous donner. En tant que mutoto amungu, mon homme, mon amour, comme un enfant de Dieu, fille, il faut éviter qu'il y a sujet, il y a mambo mukanisa. Éviter d'être le sujet des scandales dans l'église. Il faut éviter ça. Et pourquoi? Oui, ou tu as quoi qu'on yumba peke, tu as quoi qu'on mini. Seul, tu as quitté ta maison. Tu as trouvé cette église. Tu as trouvé des ministres et des ministères. Tu as trouvé les frères et les sœurs. Mais tu commences des problèmes. On a déjà tout maman bumkanis. On a tégaté comme un chikuyu, comme un chikuyu. On a prêté oreille de gauche à droite. On va ouvrir en fausse doctrine. Au prédicateur, on a souvent tombé avant toi qui a couenou. Tu écoutes, tu parles avec les gens. Tu viens troubler l'église. Mi de venir, on a déjà quoi couvrir que des soakanis, couvjikanis. Dieu ne sera pas content de vous. Mungu atakufurahia. Mwaminifu mzuri. Un chrétien ni ula natembeaka mukanisa na boka. C'est celui qui marche à l'église avec un mambo, il ne veut pas avoir des problèmes d'abord avec Dieu. Il ne veut pas avoir des problèmes avec les conducteurs. Il ne veut pas avoir des problèmes même avec le membre de l'église, ses frères et ses sœurs. Si tu as des problèmes avec les pasteurs, tu as des problèmes avec les diacres, quand ils vont prier pour toi, comment? Et tu es quel genre de croyant? Et comment est-ce que tu as cru? dans l'église, tu n'aimes pas les frères, tu n'aimes pas les soeurs, tu n'aimes pas le prédicateur. Maintenant, comment est-ce que tu as cru? Tu n'aimes pas les conducteurs. Comment est-ce que tu vas avancer? Arrêtez de chercher à trop connaître. Voyez, là j'ai lu un peu quelque chose ici. Yulaim Tasomako. Arrêtez à chercher de trop connaître. Tu ne peux pas fraîchement, tu viens de croire. La prédication sur laquelle tu as cru, c'est à la prédication de Mundu, à la prédication de José, à la prédication de Moïse, et après dans l'église, tu es devenu savant plus que même Goïnaï. Et qui bourre tout. Même aujourd'hui, tu as le ministère, il y a Nabi Kidoku. Nabi Kidoku. Tu n'auras jamais ma connaissance. Et tu n'auras jamais mes expériences. Les pasteurs qu'on a, on a onjo et les pasteurs qu'on a, on a outakouya kanaï. Donc, il faut qu'il y ait humble, avec humilité. Soyons humbles et marchons dans l'église. Mon question-réponse. Question-réponse. Le 16 mai 1954. Le nous conseille que ceci. Il dit ceci. Ah, c'est maïs. Prenons. Je suis aussitôt sorti de l'église. C'est manito katum kanisa. Et quelqu'un d'autres se tenaient là-dehors. Namutuma quoi si je m'en parle. Il a dit. Anastem. Ce gars-là. Oule Kiana. Est certainement un imposteur. Akikatu ni munyanganyaji. Un imposteur. C'est un séducteur. Ni mu ni akutongoza. Eh bien, évidemment là. Na pas à parler tout. C'est quelqu'un qui a rétrogradé. Ni mututu ari. Achaïman, et qui a quitté ce tabernacle ici. Na anatoka mwimaskan. Il est allé fréquenter ce groupe-là. Anenda, kumukfa, et il n'y a pas longtemps. Na akwako wakati mrefu. Trois ou quatre d'entre eux. Ba wiri wala ba ine katika chia. S'étaient retirés. Ba nabo bari mfata. Et que cette église entende ceci. Naïkanisa Ishikiev. Faut pas nous dire maintenant. Que cette église entende. Ikanisa Ishikiev. Pasteur. Pasteur. Hein, pasteur. Pasteur. Et tous. Na moi bote. Peu importe. Aizuru. Si ces gens ont quitté cette église. Kama abantu balitoka muikanisa. La Bible dit. Ils sont sortis du milieu de nous Baritoka katikati parce yetu. Qu'ils n'étaient pas de notre. Sababu abakwe betu. Vous voyez, munaona. C'est vrai. Yakweli. Nous sommes allés vers eux par amour fraternel et divin. Turienda kwavo na mapendo l'un après kimu, l'autre. Cherchant de réconcilier avec l'église. Ils n'ont pas voulu lakini, écouter. Nous avons pris des groupes. Turibeba kutena et mbile. Nous sommes allés avec eux. Na tunenda kubafata. Ils n'ont pas voulu écouter. Lakini, akupende kushikia. Et puis, lakisha, nous avons annoncé cela à l'église. Turitangaza mbele ya kanisa. Et la Bible dit. Na Biblia asema, qu'ils soient comme des païens et des publicains. Baonekane sa bapagano na batoza kote. C'est vrai. Ils ne peuvent pas revenir abawezi kurudia dans cette église kanisa sans se tenir devant l'église bila kushimama kumbele ya kanisa. Je reprends. Minasoma tena. Ils ne peuvent pas revenir dans l'église bo abawezi bo kurudia mkanisa sans premièrement se tenir devant l'église basipo kuanzia hapo kupita kumbele ya kanisa et se repentir devant l'église kisha bo kutubu mbele ya kanisa et se repentir ensuite devant Dieu mbele ya Mungu et enfin na mwisho aile être ramené barudishwe et voir comment ils agissent après cela na kuona namna watatenda kisha ile. Vous avez compris ancien. Si quelqu'un quitte l'église et il revient, il se répand. Maintenant, à ce moment-là, nous allons commencer à observer pourquoi, si réellement il s'était repenti et il a abandonné la voie qu'il avait empruntée. On l'observe. Tout n'a moins galichicha. Comment il se comporte? Est-ce qu'il a déjà abandonné ce qu'il faisait avant? Et voir comment ils agissent après leur repentance. Voilà comment il faut faire. Oh, je me suis empirer encore ce que tu avais fait avant. Vous voyez, c'est ce qu'il faut faire. Non, Dieu n'a pas ce qu'il faut. Donc, il faut kuacha mambo kuya na mambo mukanisa. Éviter d'avoir des problèmes dans l'église. Ce qu'il faut éviter. Fai kuepuka. Dans cette église, j'ai déjà prêché. Mwe kanisa mecha kubiriaka. Kila muntu, il faut anajulikana mzuri, bakuyua kusema. Chacun de nous doit être connu d'une bonne façon, qu'on sait que tu es un bon frère. Tu es une bonne sœur. Ou quoi que tu as pour édifier ma frère. Là pour édifier le frère. Ou quoi que tu as pour édifier ma sœur. Mais ici pour édifier aussi les sœurs. Bien. Mouzou. Ça va, je pense que tout le monde a compris. Rien à battre beau, tu vas na élire. Qui ont compris. Si vous quittez dans l'église avec des désordres, pense qu'il faut, je dois passer les vents pour arranger la chose. Si tu veux te rentrer comme un serpent le long du mur, vous avez vu Ngoye dans l'église, tout au début là, quand tu quittes, tu pries, on dirait un flippé, et après, on commence à s'habituer, ça c'est être malin seulement. Tu avais déjà caché les choses clairement, il faut encore arranger ouvertement. Quatrième question. Vous lisez à Iné. Que signifie Jean chapitre 1 verset 18? Je pense que je ne suis pas là. Je vais terminer par ici. Mana ya Yohana sura kwanza mustari yake ya 18 inamaanisha nini? Jean chapitre 1. Je vais répondre demain. Yohana sura kwanza. Jean chapitre 1. Yohana sura ya kwanza. Verset 18. Mustari yake ya 10. Mana yake ni kusema nini? Ça signifie quoi? Tout somme il en dit. Lisons cette écriture. Personne n'a jamais vu Dieu. Akuna mutu ashakona kamu. Personne n'a jamais vu Dieu. Akuna mutu ashakona kamu. Dieu, le Fils unique, mwana wa pekee, qui est dans le sein du Père, ule mwenye kuwa mkifua baba, est celui qui l'a fait connaître. Njo oule arimone kanisha. Que signifie cette écriture? Yandiko na manisha nini? Cette écriture signifie yandiko ina manisha que pour connaître le véritable Dieu, ya kusema Dieu akuyua tu Mungu wa kweli. C'est Jésus-Christ qui l'a fait connaître. Ni Yesu njo arimutambulisha. C'est Christ qui a révélé qui est le véritable Dieu. Ni Kristu njo arimufungula Mungu wa kweli. Et pour connaître qui est le Fils, na njo akuyua mwana ni nani, il faut que le Saint-Esprit vienne dans votre cœur pour vous dire c'est Jésus-Christ, cet homme fait chair, Dieu Tout-Puissant. Aucun homme ne peut appeler Jésus Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Et pour Banama expliquer ça, je vous lis ça, je vous lis ça. Et nous allons continuer demain. Non, tout à l'endelea kesho. Question-réponse sur les Hébreux, deuxième partie. Maolizo na majibu yule wa Ebrania. Dans son paragraphe 439. Le Père et le Fils. Baba na mwana. Baba njo mwana. Le Père et le Fils. Baba njo mwana. Non, non. Le Père et le Fils. Baba na mwana. Ah, c'est différent. Ibito achan. Jésus a dit. Yesu alisema. Quand vous me voyez. Wakati mniniona. Vous avez vu le Père. Unaona baba. Vous voyez. Unaona. Père et le Fils. Baba na mwana. Le Père. Baba. Était le Jéhovah Tout-Puissant. Alikuwa ni Yehova wa uwezo yote. Dieu tabernacle. Mungu. Dieu demeurant. Keti. Dans un tabernacle appelé Jésus-Christ. Maskani ili banaita sema Yesu Christ. Le Père, c'est le Saint-Esprit. Rome takatif. Le Fils, c'est le corps dans lequel l'Esprit a habité. Imwili ile ho ilikalamu. L'Esprit dont nous parlons, que nous appelons Elohim, et tu l'as Elohim, qu'on a appelé Jéhovah, et tu l'as Jéhovah, c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Mungu wa yote. Cet Esprit d'Elohim, il est haut et à Elohim, qu'on a appelé Jéhovah, Barita Jéhovah, que nous appelons Dieu, et tu l'as Mungu, a demeuré, Ikala. Dans le tabernacle, Kinyumba. Dans le tabernacle, Kinyumba. Qu'on appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. Lequel était le Fils loin de Dieu? Jésus était un homme. Yesu alikuwa mutu. Dieu est un esprit. Mungu riho. Et personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique engendré par le Père l'a fait connaître. Vous voyez, Jésus est le corps d'homme et la maison dans laquelle Dieu demeurait. Il était la demeure d'Elohim, de Jéhovah. Voilà la réponse à ce sujet. Ye Mungu wa kweli. Le Dieu. Tuko na muona ndani ya Yesu. Nous le voyons en Jésus-Christ. Tunaweza kumuexpliquer bien minga ce sujet. Nous pouvons vous expliquer beaucoup de choses. Iki mwili ki aina ngoi. Ce corps ici, ce n'est pas ngoi. Ngoi ni ule yuko na sema ndani. C'est celui qui est en train de parler à l'intérieur. Vile Jésus alikuwa yuko na sema. Homme Jésus parle. Personne n'a jamais vu le Père. Après, ça kuna kababa. Na weye na mimi tutasema. Personne ne m'a, mimi tasema, personne ne m'a jamais vu. Hakuna mtu ashayona. Et toi aussi tu diras, personne ne t'a jamais vu. Hakuna mtu ashayona. Hakuna mtu aliacha kukonaka. Personne ne t'a jamais vu. Vous ne voyez que l'enveloppe. Moi, mon on a tout ni qui finit co. C'est encore très simple. Il est péché. Quand on monte en akufwa. Si quelqu'un voulait. Lorsque nous allons. On a laissé monte et monte. Est-ce qu'on dit on a laissé quelqu'un? Maïti yangoi. On dit les corps de Maïti yangoi kumorge. C'est à quel jour qu'on va retirer le corps de Maïti yangoi? Ça c'est le vêtement. Boy lui-même il est à l'intérieur. Le Dieu véritable était en Jésus. Mais le corps était Jésus, la parole faite chair. Neno yeku, voilà, mouli abutu. Ce n'est pas compliqué. Ah, bina nguvu. Que Dieu vous bénisse. Mungu embariki. Ça va, nous allons continuer avec ça. Tutaendelea na hii. Voir comment on va terminer dimanche. Nakuona namna kani tumaliza siku ya juma. Que Dieu vous bénisse. Mungu embariki. Alors, en tant que batoto ya Mungu, comme des enfants de Dieu, il faut kuacha bintu ya kufanya kanya. Nous devons arrêter yako de faire n'importe quoi dans la vie. Un conseil que nous partageons pour les pauvres. Un petit conseil que je vous donne dans la vie. Oui, en tant que mutoto wa Mungu mwanaume. Comme un fils de Dieu. En tant que mutoto wa Mungu mwanamke. Comme une fille de Dieu. même dans votre propre maison, même au travail, dans ta famille, même dans votre quartier, même dans l'église, vous devez agir avec sagesse, éviter d'avoir des problèmes. Évitez cela. Moi, c'est que Puka, il est. Tu agis n'importe comment, bitakuletea magumu kwenda mashiku. Unaishi na bibi yako comme un ennemi, unaishi na watoto yako na wazazi yako, avec tes parents, huko mwenye wa wazazi, tu voles, tu... Toi paternel, tu es en train de te lier. Unajifunga we mwenyewe. Au moment d'arranger, tu commences à tourner autour du pot, on va mettre quelque chose. Quand tu faisais là, tu ne pensais pas à ça. Les ça et là, tu vois une femme mariée, par manque d'argent, on part te coucher. Il faut qu'on mette un humain. Enfin, quoi, retourne à Bumuntu. Arrêtez ces choses. Tu es dans l'église. Umukanisa. Tu es venu pour le salut. Tu n'es pas venu ici pour être prédicateur ou pasteur. Tu n'es pas venu ici pour être diacre. Tu es venu pour ton salut. Cherche le salut. Prends soin de ton salut. Arrête de commencer des crucifixes dans l'église et chuchoter. Si t'as coûté à Magum, ça va te coûter trop cher. Les amis que tu as trouvés dans l'église, tu les as trouvés ici. Burafiki mufanike tout autour de la parole. Soyez amis, kandukando à nous la mungu, pas en dehors de la parole de Dieu. Ne pas dans l'église pour tisser l'amitié avec les gens. Oui, Dieu occupe premièrement na okofu yako. Prenez soin de votre salut. Évitez pour un monde où akutubutubu leo, nenda huku, urienda kutonganisha hii jamaa. Tu as mis en conflit tes amis, tu te répands. Demain, tu as parlé du plebiscite, tu te répands. Demain, tu parles, tu es quel genre d'homme? Tu dois avoir pitié de toi. Avec ta femme, tu as des problèmes. Avec ton mari, oh, avec des problèmes. Moi, c'est que Puka, il est ma mambo. Maintenant, au moment où d'arranger, tu commences à tourner autour du pot, tu ne sais pas prononcer les phrases correctement. Quelqu'un de bon sens, il a peur de commettre le fou. Même si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dois avoir quand même l'abstinence. Tu as quand même l'abstinence de faire de mauvaises choses. Tu te retiens. On est du tout d'accord. Tu es ta femme, tu es des enfants, tu fais n'importe quoi. Non, il faut abandonner ça. Pana, moitié les membres. Ce sont des choses qu'on ne doit même pas citer dans nos églises. Ça va. Que Dieu aide chacun de vous. Mungu a tout ça et dit. Devons-nous pour la prière. Shema Menja Kumba. Prions-nous tous ensemble. Tombe pas moi.